Tout est audace et tout s'obtient par la force d'y croire dans un climat serein. Il faut être tenace pour faire son destin sans trop de cauchemars. Encourage l'humain. Tout est audace et tout s'obtient par la force d'y croire dans un climat serein. Il faut être tenace pour faire son destin sans trop de cauchemars. Encourage l'humain. À l'hôpital, je chante ce refrain. Quel est ton âge? Quel est ton dommage? J'ai le breuvage si opportun. Contre ton mal, j'apporte le bien. Sur ton corps malade, ton corps chagrin est un morceau de moi étendu. Je t'accompagne dans ce court chemin. Bientôt tu retourneras là d'où tu viens. Ta vie à ma décalée.